Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. 1er juin 1885, depuis plusieurs jours, la France est agitée par un vif débat. Sa cause, la mort de Victor Hugo et plus encore ses funérailles. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Proscrit par le Second Empire, exilé à Bruxelles puis à Guernesey, il est devenu le symbole des convictions républicaines. Et lors de son séjour à Paris le 5 septembre 1870, le poète est accueilli par une marée humaine. Depuis, c'est un héros national, une grande figure politique et littéraire de la République. Son décès, en dehors de la religion, pose une question nouvelle. Comment rendre hommage au génie sans recours à l'Église ? Le gouvernement républicain de transition prépare les élections. Il hésite et il se décide pour un hommage sous l'Arc de Triomphe et un enterrement au Père-Lachaise. Mais le Conseil de Paris, plus à gauche, propose de revenir à l'usage républicain et d'inhumer Hugo au Panthéon. Dans la France monarchique, hiérarchisée en trois ordres, les rois de France jusqu'à Louis XV sont inhumés à la basilique de Saint-Denis. La Révolution vide les caveaux et détruit les monuments royaux. Il lui faut bâtir sans tarder un sentiment d'appartenance à la République. Dès 1790, le marquis de Villette propose que soit créé un panthéon de la République où celle-ci pourra honorer ses ancêtres, à commencer par Voltaire, mort en 1778, enterré en catimini dans une abbaye que la Constituante vient de promettre à la vente comme bien national. Il y a donc urgence. Et pourquoi construire, puisqu'est disponible une église majestueuse sur le plus haut point de Paris ? Voulue par Louis XV, commencée en 1764 par Soufflot, l'architecte, elle n'est pas encore terminée tant elle est gigantesque et n'est donc pas consacrée au culte. Une aubaine. Le 21 juillet 1791, les cendres de Voltaire sont transférées au Panthéon à l'issue de deux jours de cérémonie. Quelques semaines auparavant, le tout premier occupant de la crypte avait été Mirabeau, surnommé l'Hercule de la République. Hélas, la découverte dans l'année qui suit des preuves de sa corruption par le roi Louis XVI l'en fait expulser. Pendant un siècle, le Panthéon vit le contre-coup des errements de la politique française, utilisé pour honorer les pères de la République, puis les loyaux serviteurs de l'Empire. Et Napoléon III, pour s'attirer les bonnes grâces de l'opinion catholique, la rend au culte dès 1852. Mais la crypte conserve les symboles des idéaux républicains. La mort de Victor Hugo coïncide avec l'anniversaire de la Semaine sanglante, la répression féroce exercée contre les communards de 1871. On craint de nouvelles journées d'émeutes. Le parcours du cercueil à travers Paris fait l'objet de nombreuses négociations. Le gouvernement décrète donc de consacrer le Panthéon aux grands hommes et d'y inhumer le poète. Au terme de deux jours d'hommage, suivis par 1 à 2 millions de personnes, le Panthéon accueille le grand homme. C'est donc tout naturellement qu'on célèbre au Panthéon le centenaire de la Révolution en 1889, puis celui de la République en 1892. Et en 1981, le geste de François Mitterrand, qui vient se recueillir au Panthéon au lendemain de son élection à la présidence, est un moment très fort de la vie politique, inédit et resté sans lendemain. Depuis quelques années, ce sont les résistants de la Seconde Guerre mondiale qui ont été le plus à l'honneur. Et on se souvient en particulier de la cérémonie qui marqua l'entrée en décembre 1964 des restes présumés de Jean Moulin et surtout du discours embrasé qui prononça André Malraux. Voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Cette émotion collective, elle était palpable lors de la mort de Simone Veil, et la décision du président de la République de faire rentrer Antoine et Simone Veil ensemble au Panthéon est une décision qui s'inscrit dans cette continuité.